J'ai oublié de parler de ça, là. Pensez ce que vous voulez de Pierre-Carl Péladeau. Pensez ce que vous voulez sur le fait qu'il décide de parler de sa mère qui s'est suicidée alors qu'il avait l'âge de 14 ans. Mais tabarnou, j'ai lu des affaires hier, là. J'avais le goût de trouver les gars, là. D'aller cogner à leur porte puis de leur maudire mon point d'entrée. Il y a du monde incapable de faire abstraction du... Il y a du monde malade. On a des auditeurs malades en passant, là. Il y en a qui écoutent ici, là. Vous me faites honte comme vous avez pas idée. Tu sais, des fois, là, premièrement, allez lire le message que Pierre-Carl Péladeau a écrit sur le suicide. C'est ce qu'il a écrit et dit de plus beau. Mmh. À vie. Ça a été un homme d'affaires. Il essaye de devenir politicien. Je pense que pour la première fois de sa vie, parlez-moi du timing, parlez-moi de l'opportunité. Regarde, moi, je vous le dis, là, c'est le texte le plus senti que ce monsieur-là a écrit depuis qu'on le connaît. OK? Il parle de sa mère qui s'est suicidée. Il avait 14 ans. Il a bien beau avoir les millions qu'il veut. Je suis convaincu qu'il parle avec son cœur quand il fait ça. Ouais, okay? Il y en a qui sont incapables de dissocier la politique et les autres questions. Je capotais hier de lire les vacheries que vous avez faites à l'égard de Pierre-Carl Péladeau qui sauve le cœur. Excusez-moi, là, mais des fois, les macarons, vous pouvez vous les foutre dans le cul, OK? Puis juste penser aux humains derrière les histoires. On peut pas l'aimer, Pierre-Carl Péladeau, comme politicien, là. On peut haïr le PQ 364 jours par année. Tu es capable de laisser ça de côté des fois, mais du monde est capable. C'est 24 heures sur 24 politique, partisanerie tout le temps. J'en revenais pas. Passez quand même une bonne fin de semaine. La vie, c'est beau. La vie, c'est le fun. J'ai commencé l'émission un matin en sacrement parce qu'il y avait des coupes sales dans le lounge. Je la finis. Je suis papa pour une deuxième fois en souhaitant que tout aille bien dans les prochaines semaines.